travaux vont aussi faire leur rentrée. Cette fois-ci, cela sent vraiment la fin des vacances. Au lendemain de la rentrée des classes, le chantier de réaménagement de l'A71 entre Coudes et Issoire va reprendre avec les perturbations que cela entraîne pour les automobilistes. Calés sur le rythme des vacances d'été et des grandes transhumances, les travaux de modernisation de l'A71 sur la portion dite des virages de Coudes vont reprendre le 2 septembre. Les usagers dits pendulaires, qui avaient sans doute bien apprécié la mise en sommeil des chantiers afin d'épargner le transit des vacanciers de plus en plus nombreux à emprunter cet axe gratuit, vont de nouveau devoir composer avec des perturbations impactant leur trajet quotidien sur le tracé de l'ancienne Nationale 9. Il faut rappeler que l'autoroute A75 est une autoroute à deux pleins de voies reliant Clermont à Béziers dans le prolongement de l'A71. Hormis le franchissement du viaduc de Millau, celle que l'on nomme la Méridienne, n'a pas été concédée à un opérateur privé afin qu'elle reste gratuite. C'est donc l'État qui finance son entretien et qui avait fait le choix à la fin des années 70 de transformer la Nationale 9 en axe à quatre voies. Le tronçon le long de la rivière Allier entre Montpérou et Issoire était à l'époque rentré aux chausse-pieds, mais il s'est révélé au fil du temps dangereux alors que le trafic prenait de plus en plus d'importance, avec le dépassement du seuil des 100 000 véhicules par jour. Malgré la limitation de plus en plus stricte de la vitesse, la DIR Massif Central a dû engager depuis septembre 2023 d'importants travaux pour donner plus de place à la bande d'arrêt d'urgence indispensable pour garantir la sécurité des usagers et l'organisation des secours. La question environnementale s'est également invitée dans le programme avec de nouveaux aménagements nécessaires pour protéger la rivière Allier. En particulier, l'amélioration du réseau d'assainissement nécessitant la création de 18 bassins. Des travaux depuis 2 ans. 2 ans après le début du chantier, c'est une nouvelle tranche de travaux qui va débuter et qui va durer jusqu'à l'automne 2026. C'est maintenant au tour du secteur nord de faire l'objet de travaux entre le diffuseur de Montpérou et l'aire de Val d'Allier. Jusqu'au 19 octobre, la circulation ne se fera que sur une voie unique dans chaque sens de circulation avec une vitesse maxi abaissée à 60 du 20 au 31 octobre. La circulation dans le sens de Clermont-Issoire sera fermée entre les diffuseurs de Coudes à Issoire-les-Prés, soit plus de 7 km, le long desquels la circulation sera basculée sur la voie Issoire-Clermont qui s'effectuera en double sens avec une vitesse limitée à 80 km/h sur les deux portions de basculement. L'aire de Val d'Allier ainsi que les bretelles entrée-sortie 9, 10 et 11 resteront fermées. Ensuite, du 3 novembre au mois d'avril 2026, la circulation reprendra sur une seule voie dans chaque sens avec limitation à 50 km/h entre le diffuseur de Saint-Ivoine, Sauvagna, Saint-Marthe et le viaduc de Coudes, environ 4 à 1 km. L'aire de repos du Val d'Allier sera ouverte, mais le diffuseur 8 sera lui fermé dans les deux sens jusqu'en octobre 2026. La fin des travaux est à ce jour programmée pour octobre 2026, dans plus d'un an et après le renouvellement de la chaussée. Durant l'été, sur le même modèle que cette année, les travaux seront suspendus afin d'éviter les bouchons pour les vacanciers. Mais d'ici là, les automobilistes vont devoir composer avec les chantiers et se montrer patients. La sous-préfecture d'Issoire déconseille d'ailleurs de sortir de l'autoroute pendant les phases de travaux, car elle estime que le gain de temps serait négligeable et que le surcroît de circulation dans les communes traversées pourrait être source de différentes nuisances pour les communes traversées. Pour les Issoiriens travaillant à Clermont et les Clermontois travaillant à Issoire, il existe la solution alternative du TER. SNCF Connect annonce près de 30 trajets quotidiens dans les deux sens pour une liaison d'une demi-heure en moyenne à...